Un ange sur la terre, chapitre 2. Deux honorables compères. Il est nécessaire, bien que la tâche soit peu agréable à remplir, de faire ici une petite biographie des deux personnages que nous allons mettre en scène dans cette histoire. Cette précaution nous semble d'autant plus utile que le lecteur, en voyant se présenter à ses yeux un pauvre bonhomme, triste et souffrant, portant sur sa piteuse personne les apparences d'une profonde misère, pourrait être tenté de lui faire une aumône qu'il ne manquerait pas d'accepter, et ce serait un péché mortel. Don Jeremías Trembleque, l'ami de Don Roque, avait été, dans son origine, un de ces hommes qui, sous le nom de boueurs, sont chargés d'enlever les immondices de la ville. Un certain jour, dans l'exercice de ses peu odorantes fonctions, il trouva une bourse pleine d'or. Il l'avait à peine ramassée qu'une servante accourut, tout éplorée, et s'informa s'il n'avait pas trouvé une bourse qui devait se trouver dans un panier d'ordures qu'elle venait de verser à la porte de sa maison. L'honnête Jeremías jura sur ses grands dieux, d'un ton plein de bonne foi, qu'il n'avait rien trouvé. Et, affectant la complaisance d'une bonne âme, il fouilla scrupuleusement tout le contenu de son tombereau. Dans la soirée, la malheureuse servante était chassée et sortait déshonorée de la maison de son maître. Et le lendemain matin, l'honnête Jeremías cheminait vers Gibraltar, où il pleura si bien misère qu'un capitaine de navire marchand prit pitié de lui et lui accorda, gratis, son passage pour la Havane. De Gibraltar, refugium peccatorum, il passa ainsi à la Havane, cette consolatrix afflictorum, sans avoir eu besoin de changer une de ses pièces d'or. Une fois arrivé, il ouvrit un cabaret où, en concurrence avec de mauvais vins, on pouvait se procurer des cartes graisseuses et du tabac avarié. C'est dans ce sanctuaire que se formèrent les premiers liens d'une étroite amitié entre le propriétaire de l'établissement et certain mauvais drôle, nommé Roque de la Piedra, cantinier d'un des régiments de la garnison, joueur, débauché, et qui ne valait pas la corde qui aurait servi pour le pendre. Il y avait de cela 25 ans. Roque en avait alors 24 et Jeremías 35. Depuis cette époque, le premier était toujours resté, aux yeux du second, le beau, l'aimable et le hardi cantinier, chez lequel Jeremías admirait tout, à l'exception de la désignation de son office. Note du traducteur. Gastador signifie en espagnol dépensier, en même temps que cantinier. Fin de la note. Quant à Don Roque, s'il s'était lié avec Jeremías, c'est qu'il croyait avoir besoin de ses services, mais il n'avait jamais vu en lui qu'un ignoble cabaretier. Avec le temps, tous deux firent fortune, chacun à sa manière. Roque, plein d'audace et de jactance, brusqua la capricieuse déesse et, après avoir gagné quelque argent en filoutant au jeu et en trompant sur les fournitures qu'il était chargé de faire au régiment, il finit par épouser la fille d'un riche marchand de la Havane qui l'associa à son commerce. Jeremías, toujours avec son air dolent, fit aussi son chemin dans le monde et, à force de patience, il parvint à se faire accepter pour époux par une riche mulâtresse aussi peu délicate que lui en affaires d'intérêt. Ils se marièrent donc et jamais on ne vit union plus assortie. La mulâtresse crevait d'orgueil, dans sa peau jaune, de se voir la légitime épouse d'un blanc de pur sang espagnol. Le mari, de son côté, laissait percer sa joie sous son cuir parcheminé, car la mulâtresse, accoutumée à gagner facilement l'argent, ne brillait pas par l'ordre, laissait traîner les onces, et à peine avait-elle eu le temps de les apercevoir, qu'elle tombait entre les griffes de son mari, d'où elle passait à un séquestre éternel sous la triple serrure d'un coffre-fort. La mulâtresse mourut avec la même indifférence qui avait présidé à toute sa vie. Jérémias mit une nouvelle couche de noir sur sa triste figure. Il fit faire un superbe enterrement à sa noire moitié, à cette précieuse poule qui avait pondu tant d'œufs d'or. Puis, après avoir précieusement renfermé dans un médaillon une boucle de sa toison frisée, il vendit tout ce qu'elle possédait à La Havane et revint en Espagne, abandonnant à leur malheureux sort certains négrillons dont sa moitié s'était rendue coupable avant de l'épouser. Ces deux êtres méprisables, qu'aucun honnête homme n'eût osé regarder en face à La Havane, trouvèrent en Europe, et grâce à leur argent, l'accueil réservé aux hommes les plus estimables. Don Jérémias était arrivé à Cadix 4 années avant son ami. Quand ce triste geôlier de ses écus se vit réduit à ses propres ressources et dépossédé de la rente que lui procurait si aisément sa très peu chaste épouse, quand il se vit privé du concours et des conseils de son ami Don Roque, il ne sut à quel saint se vouer. Il était dans la position d'un navire auquel ferait défaut à la fois et les voiles et le gouvernail. Il n'osait faire l'emploi de ses capitaux, attendant toujours l'occasion de les placer d'une manière plus avantageuse. Il lui arrivait enfin ce qui arriva à cet autre avec l'étoffe d'un pantalon qu'il ne faisait pas faire, attendant toujours la dernière mode. À Cadix, un courtier lui proposa d'acheter des maisons. Mais, comme il était possible qu'un jour ou l'autre, la mer fît invasion dans cette imprudente cité, qui, comme une mouette, a placé son nid sur un rocher au milieu des ondes, Don Jérémias déclina une opération aussi aventureuse. Incommodé par l'eau de citerne, il fit son paquet et, en compagnie d'un nègre et d'un vieux coffre au pelage usé qui composait tout son bagage, il s'en fut au Puerto Santa Maria. On lui offrit d'acheter des vins et de les préparer pour l'exportation, opération très lucrative. Après avoir bien réfléchi à l'affaire, Don Jérémias pensa que les vins pourraient bien passer au vinaigre. Incommodé par les eaux trop légères d'El Puerto, il fit son paquet et, toujours en compagnie de son nègre et de son coffre, il s'en fut à Jerez. À Jerez, on lui proposa d'acheter un magnifique vignoble dont les produits alimentaient les tables de tous les souverains de l'Europe. Cette perspective séduisit d'abord Don Jérémias, autant peut-être que l'avait séduite autrefois la perspective d'épouser sa mulâtresse. L'affaire marchait à ses bons trains. Les onces, sous l'impression d'un joyeux pressentiment de voir enfin le jour, s'étaient émancipées jusqu'à pousser le cri de « Vive la liberté !» Elles s'imaginaient, les innocentes, qu'une fois sorties d'entre les griffes de Jérémias, elles seraient heureuses comme les étoiles au ciel. Mais, avant de conclure définitivement le marché, Don Jérémias voulut visiter le vignoble. On était en janvier. Les ceps, coupés par le pied, présentaient le triste aspect de la vigne à cette époque de l'année. Le visage de l'acheteur, animé de couleurs inusitées par le doux espoir d'abreuver les empereurs et les rois, devint bientôt aussi triste, aussi abattu que les ceps eux-mêmes, à la vue du triste état où ils se trouvaient. « Jésus ! » exclama-t-il, « que peuvent produire d'aussi misérables avortons ?» On lui expliqua que la vigne avait cet aspect parce qu'elle avait été taillée suivant l'usage du pays et que cette opération même la ferait pousser avec plus de vigueur au printemps. « Et si elle ne poussait pas ?» s'écria Don Jeremias, et il s'enfuit avec la vitesse d'un homme qui craindrait de céder à une mauvaise tentation. Fatigué par les eaux trop lourdes de Jerez et désespéré par l'insuccès d'une mine dans laquelle il avait engagé de l'argent, Don Jeremias fit son paquet et, toujours en compagnie de son nègre et de son coffre, il s'en fut à Séville. C'est là que nous le trouverons établi, dans une de ces petites ruelles qui portent le nom de Vénérable. Ce n'était certainement pas le nom qu'il y avait attiré, mais là se trouvent les maisons au meilleur marché, et il mit la main sur un trésor en son genre. C'était un palais dont il pouvait devenir le maître et seigneur, moyennant une redevance de 4 réaux par jour. Ce qui, pour le mois de février, constituait une économie réelle de 8 réaux, quand l'année n'était pas bissextile. Dans ce somptueux logis s'étaient établis sans fracas Don Jeremias, son nègre et son coffre. Le palais n'était pas d'origine arabe, et, selon les apparences, la construction devait encore remonter plus loin. À l'image de l'homme, les briques du pavé avaient été poussière et étaient redevenues poussière. Dans les temps meilleurs, les portes avaient pu recevoir une couche de peinture, mais il n'en existait plus trace. Les vitres pouvaient avoir été claires et brillantes, mais elles avaient dit adieu depuis longtemps à leur splendeur passée. Dans la cuisine se trouvaient 2 fourneaux, et pour Don Jeremias, il y en avait au moins 1 de trop. C'est dans cette gaine, digne de l'acier qu'elle allait renfermer, que s'installa Don Jeremias, toujours en compagnie de son nègre et de son coffre. Il s'agissait de meubler ce palais, et c'est à cette grave affaire que Jeremias appliqua toutes les ressources de son esprit, tous les calculs de son avarice. Le lendemain de son installation, notre homme s'en fut parcourir les petites ruelles de Regina. Note du traducteur. Quartier de Séville où se trouvent les fripiers. Fin de la note. Si tu es assez malheureux, ami lecteur, pour ne pas connaître Séville, d'abord nous prendrons de toi une profonde pitié. Puis nous t'apprendrons que les ruelles de Regina sont un respectable club, un élégant casino, une illustre université de friperie. Tout ce qu'on expose là, aux yeux du public, mériterait la croix de San Hermenegildo. Note du traducteur. Croix donnée à l'ancienneté de service. Fin de la note. Là, le bon marché vous appelle de la voix la plus caressante, et la curiosité vous invite à des spectacles des temps les plus reculés. On a si souvent décrit ces magasins de bric-à-brac que nous craindrions de fatiguer le lecteur en les décrivant de nouveau. Nous dirons seulement, à notre grand chagrin, que, dans notre siècle de lumière, cette spécialité commence à perdre ce cachet de couleur locale qui en faisait l'originalité. Don Jeremias dépensa beaucoup de temps, beaucoup de paroles, mais peu d'argent, pour acheter le royal mobilier qui devait décorer son palais et dont nous donnons aussi après la description. 12 chaises dans le plus triste état, mais conservant encore quelques vestiges d'une peinture autrefois verte. 1 sofa, recouvert d'une étoffe autrefois noire, mais que l'usage avait fait passer au blanc, rembourré avec une paille de maïs dont le bruit rappelait le champêtre murmure des blés agités par la brise. Item, une table à écrire et un encrier de plomb, renfermant les restes pétrifiés d'une encre du siècle passé. Item, une lampe en fer blanc assez bien conservée, un chandelier de même métal, quelques plats légèrement ébréchés, des carafes et des verres à peu près en bon état, enfin Un service à café se composant ainsi, deux soucoupes et une petite tasse, une cafetière sans anse et un sucrier sans couvercle. Le reste du mobilier était à l'avenant. Don Jeremias fut si satisfait de ses emplettes et conserva des ruelles de Regina un si agréable souvenir qu'il manqua assommer son nègre pour avoir acheté de première main une marmite de Médina. Note du traducteur. Ville où l'on fabrique beaucoup de poteries. Fin de la note.